Dernière partie d'émission, je vais recevoir Frédéric Dubois, metteur en scène à Québec. On dit de lui que c'est le nouveau Robert Lepage. Mais d'abord, une grande perte pour vous, auditeurs de Radio-Canada. Raymond Archambault, la voix de l'information radio depuis 25 ans, nous quittera le mois prochain. Raymond Archambault, qui est devant moi et qui vient tout juste d'ailleurs de livrer son bulletin de 9h. Vous êtes descendu vite, oui, hein? Bienvenue. C'est pas loin quand même. Non, c'est pas très loin. Parce que ce que les gens savent pas, Raymond Archambault, c'est que lorsque vous faites vos bulletins d'information, vous n'êtes pas dans les grands studios avec tout le monde et tout ça. Vous êtes dans votre studio à vous, évidemment, très concentré sur votre information. Je pense que les gens l'ont deviné, parce qu'on n'est jamais en conversation avec les animateurs. De toute façon, souvent, on a des points de chute différents. Hein. Vous faites une émission pour une partie du réseau, puis nous, on fait un bulletin de nouvelles pour une autre partie ou l'ensemble du réseau. Alors, Et comme on a un grand pays, un grand réseau, effectivement, c'est difficile de s'en sortir. Oui. Vous nous quittez, Raymond Archambault, vous prenez votre retraite. Oui, le 10 juillet. C'est serein? Vous êtes serein avec cette idée? Oui, écoutez, je dois vous dire que j'y pensais depuis quelques années. On n'est pas éternel, on le sait bien. Puis, je me sens pas tellement vieux, mais j'ai l'intention d'un petit peu profiter de la vie quand même. Vous savez que j'ai donné 25 ans de mes matins à nos auditeurs, puis à la Société Radio-Canada. Alors, pendant 25 ans, j'ai pas vu le soleil se lever. J'arrivais ici l'hiver dans la noirceur la plus totale et le froid. Là, j'ai l'intention de voir le soleil se lever, de le regarder, de prendre le temps d'écouter les oiseaux chanter, de vivre. Pensez-vous vous y habituer? Parce que durant les vacances, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais quand on se lève effectivement avant le soleil tous les jours ou presque, le métabolisme est là aussi. Alors, est-ce que vous allez pouvoir dormir un peu plus le matin quand même? Oui, je pense bien. Au bout de quelques semaines, je suis sûr que le métabolisme va se replacer. On n'est pas fait pour vivre la nuit de toute façon. Non. Alors, on travaille contre son corps et contre son métabolisme pendant les années que l'on donne comme ça. Mm-hmm. Et puis, je pense que les choses vont se replacer d'elles-mêmes. Vous savez, je suis convaincue que les gens vont beaucoup nous écrire parce que vous avez effectivement quand même été la voix de l'information tous les matins. C'est une voix calme, une voix rassurante, votre rigueur aussi. Je pense que les auditeurs vont vraiment beaucoup vous manquer. Il y a même des gens, je pense, qui vous disaient on a l'impression qu'on ne vieillit pas avec vous parce que vous êtes toujours là depuis tant d'années. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. C'est l'année passée, quelqu'un qui a reconnu ma voix dans un dépanneur. J'allais acheter un produit qui est encore légal, mais pas dans les studios. Bon, des cigarettes papa. Et cette personne-là était à côté de moi, puis a dû reconnaître ma voix, puis a dit, M. Archambault, quand vous êtes à l'antenne, on a l'impression qu'on ne vieillit pas. Vous êtes toujours là depuis X nombre d'années. Ouais. Mais c'est vrai que... Alors, je pense que tout le monde va vieillir d'un coup cet été. Oui, on va prendre un méchant coup de vieux, comme on dit. Ouais, ouais. Mais effectivement, les gens vous reconnaissent par votre voix. Ouais. Hein, parce que physiquement, on ne vous voit pas beaucoup publiquement. J'ai fait un tout petit peu de télévision, mais il y a tellement longtemps, il y a près de 30 ans, au fin des années 70, début des années 80, j'ai fait un peu de reportage. Télévision. J'ai eu l'occasion parfois de remplacer Bernard de Rome. La dernière fois, c'était, je me souviens, en 1983, c'était un congrès politique. Je crois que c'était le congrès qui a porté Brian Mulroney à la tête du Parti conservateur. Et Bernard avait une extinction de voix à ce moment-là. Alors, je l'ai remplacé à pied levé. À pied levé? Dans un téléjournal. À la télé. Ouais. Ça fut toute une expérience, j'imagine. Mais c'était pas la première fois, de toute façon. Mais est-ce que vous aimiez la télé? Pas tellement. Non. Vous êtes un homme de radio. C'est un beau média, mais je préfère être de l'autre côté de l'écran et de regarder mes collègues. Mais être devant les caméras, non, c'est pas ma tasse de thé, comme on dit. Comment vous expliquez cette longévité, 25 ans quand même, dans un monde aussi qui a tellement évolué? On est tous très rapidement sur des sièges éjectables. Raymond Archambault, comme Bernard de Rome, d'ailleurs, qui a fait aussi 30 ans. Comment vous expliquez cette longévité d'années? Est-ce que ce sont les années simplement qui se sont écoulées? Je pense qu'il y a une complicité entre ce que je faisais puis les auditeurs. Je pense que les auditeurs aimaient la façon dont je présentais l'information, quoique j'ai toujours fait ça avec beaucoup d'humilité. J'ai toujours essayé de, à la fois, respecter les auditeurs, respecter mes camarades de travail, ceux qui composent les radiojournaux, ceux qui écrivent les textes. Alors, je pense que c'est peut-être ça qui m'a permis de passer à travers toutes ces années. Vous étiez apprécié. Puis aussi, le plaisir de faire de l'information, la certitude, la conviction que on apportait quelque chose d'important à une partie des citoyens, ceux qui nous écoutent. Mm-hmm. Ouais. Et on a l'impression aussi que Raymond Archambault ne fait que lire les nouvelles, ce qui est déjà quelque chose, hein, parce que la lecture, on aura l'occasion d'y revenir. Je pense que c'est tout un art, mais chef d'antenne, c'est beaucoup plus que ça. Quand vous vous levez aux aurores, vous vous levez avant le soleil, c'est pas pour rien. Ouais. Toute la préparation, vous êtes très impliqué dans la préparation du bulletin, le choix des nouvelles. Ben, vous le savez, vous avez fait ce travail-là aussi à la télévision. Mm-hmm. La partie qui nous appartient, elle est très, très mince. Ouais. Hein, on a l'influence que l'on a, mais comme la machine est immense, en fait, c'est une véritable salle de presse. Alors, les décisions se prennent à toutes les heures de la journée, et on ne peut pas être là toutes les heures de la journée, à moins de vouloir tout contrôler. Ça n'est pas mon genre. J'ai jamais voulu prendre le contrôle du radiojournal. J'ai toujours prétendu que ça doit se faire en collégialité. Et en confiance. Alors, oui, parfois, il m'est arrivé de dire, ah ben, ce matin, vous avez un journal un peu people. Mm-hmm. Bon, puis, c'est arrivé certains jours. Bon, et puis, il y a des correctifs qui ont été apportés. Ah oui, donc il y a quand même une certaine influence Archambault, là, quand même. Qu'est-ce que vous... La lecture comme telle, je ne sais pas si vous avez beaucoup évolué dans votre livraison des 25 dernières années, parce que quand on commence, on est plus jeune, évidemment, il y a toutes sortes de techniques aussi. Moi, je pense que je n'ai jamais entendu Raymond Archambault bafouiller en ondes dans un bulletin. Ben, ça peut arriver. Ça peut arriver, la langue peut nous fourcher, c'est du direct. Ouais. Mais on s'arrête pas là-dessus, on continue. Puis je pense que c'est la meilleure façon de faire oublier le moment où la langue nous a fourchu la bafouille. Mm-hmm. C'est de continuer. Dans la vie de tous les jours, de toute façon, ça fait partie du discours. On peut s'arrêter, on peut faire une pause, on peut se tromper, on peut revenir sur ce qu'on a dit. Alors, je pense qu'il faut être naturel. J'ai cherché à être le plus naturel possible dans le carcan que nous impose la présentation d'un journal. Mm-hmm. Quels sont les parce que vous en avez vu d'autres aussi en termes d'information, quels sont peut-être les événements qui vous ont le plus marqué? Il y en a eu plusieurs, bien sûr, en 25 ans, et même, j'allais dire 35, mais 32 ans aussi au total de travail journalistique. Les événements qui vous ont peut-être le plus marqué? Ben écoutez, moi, on m'a proposé de faire ce travail-là au début des années 80. J'avais pas le matin au début, j'avais l'après-midi, mais c'était accompagné aussi d'énormément d'émissions spéciales. Et je me souviens que l'une des premières émissions spéciales que j'ai eu à présenter à l'antenne, c'était lors de la fameuse conférence constitutionnelle de 1981 qui devait amener au rapatriement de la Constitution. La nuit des longs couteaux et tout ça. Alors ça, évidemment, ça m'a marqué, d'autant plus que juste avant qu'on annonce l'issue de la conférence, c'était la veille, Pierre-Éliott Trudeau venait tout juste de lancer son idée de référendum national. Une idée à laquelle avait mordu René Lévesque. Et là, ils se sont fait une pause pour le dîner. Moi, je me tenais loin de la meute des journalistes. Et Pierre-Éliott Trudeau passait devant moi en regardant les journalistes et en leur disant « Anyway, the chicken is in the basket ». Oh! Et ça, c'est des paroles qui me sont restées, imprimées dans la mémoire pour toujours, je pense. Oui, ça ressemble aussi au homard de Jacques Parizeau, mais lui, c'était le poulet. Chacun son homard. Hein? Chacun son homard ou son poulet. Est-ce qu'il y a un événement que vous avez manqué? C'est-à-dire un grand événement, vous n'étiez pas là, en vacances, quoi que ce soit, vous auriez dit « Ah, j'aurais donc aimé soit faire une émission spéciale ou être là ou... ». Oui, au référendum de Charlottetown, j'étais malade, j'étais au lit, j'avais un mal de dos incroyable. C'est un événement que j'ai manqué. J'ai eu un mal de dos aussi la veille du 40e anniversaire du débarquement en Normandie. On devait partir en équipe pour aller faire un reportage à cette occasion-là. Ah oui, et vous n'avez pas pu partir. Hein? Non. Mais vous savez que ma toute première affectation aux émissions spéciales, ça a été en Australie, à Melbourne, une conférence du Commonwealth en 1981. Et puis, je me suis dit, la prochaine fois, j'espère qu'on ira plus loin. Dans l'espace, pour y partir avec Guy Laliberté. Ben oui, pourquoi pas. Ça serait bien. Ouais. Quand vous manquiez un événement comme ça, est-ce que vous êtes le type d'homme et de journaliste que ça fatiguait beaucoup, là? C'est-à-dire qu'on en fait du sang de punaise, puis si vous étiez capable de dire, regardez, je suis malade, je peux pas y aller, je peux pas le faire. Non, contre le mauvais sort, on ne peut rien. Alors, donc, je me suis toujours arrangé avec le mauvais sort. Ouais. La nouvelle la plus inusitée que vous ayez annoncée, est-ce que ça, vous vous souvenez de ça? Ben, le moment le plus inusité, oui. une visite royale en 1984. La reine est à Québec. Oui. Elle est au château Frontenac et elle doit prendre la parole. Oui. Hein? Et on ne peut pas la filmer parce qu'on ne filme pas la souveraine qui mange. Mais tout ce qu'on entend... Il y a bien entend, des choses qu'on ne fait pas avec la tout souveraine. Tout ce qu'on hein? entend, c'est le bruit des petites cuillères dans les assiettes et les petits violons du roi qui accompagnaient le dessert. Et nous, nous devions présenter le discours de sa souveraine à 21h le soir. Parce qu'elle était... Bon, c'était à l'horaire pour 21h. Sauf que le service a été plus long au château Frontenac. Nous, on avait l'antenne à 9h. Oui. On a fait une émission à 9h. Mais le dessert n'était pas encore servi. Mais on n'a jamais entendu la souveraine. Ah non! Alors, vous avez parlé j'étais, pour elle. J'étais en conversation à ce moment-là avec Carole Graveline qui avait couvert toute la visite royale et qui donc pouvait... nous faire part de ses souvenirs encore frais. Hein? Ouais, mais ça, c'est les joies du direct ouais, aussi. Ça, c'est les joies hein? du direct. Et ça se produit effectivement très souvent. Ouais. Avez-vous un squelette, Raymond Chabot, ou déjà fait une gaffe en on dit quelque chose qui n'avait pas de bon sens? Vous avez toujours été quand même assez en contrôle. Moi, je ne me souviens pas de ça, là, si à moins que vous ayez des choses. Non, moi, je n'ai rien pour vous. Hein. Je vous l'ai dit, moi, je ne vous ai jamais entendu bafouiller de toute façon. Non. Jamais d'erreur ou de ah, pourquoi j'ai dit ça ou j'ai. Non. Ça, c'est une belle carrière quand même, de ne pas faire d'erreurs comme ça. Ben, j'ai sans doute fait des erreurs. On fait des erreurs collectives aussi. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes préoccupé par la situation à Radio-Canada? Et puis bon, je vous en parle parce que vous savez très bien qu'il y a ces compressions actuellement, l'aide du fédéral qui n'y est pas toujours au niveau où Radio-Canada le souhaiterait. On voit qu'il y a un groupe là qui se soulève de soutien à Radio-Canada. Est-ce que ça vient vous qui partez maintenant, est-ce que ça vient vous chercher? Ben, ça me chavire, bien entendu. Bien entendu, on a un projet là de regrouper tous les journalistes dans le CDI. La salle des nouvelles radio va déménager le printemps prochain. C'est un mariage de raison. Puis moi, je suis un grand romantique. Alors, j'achète pas beaucoup les mariages de raison, mais on n'a pas le choix. Cette fusion des deux salles de nouvelles. Mais on n'a pas le choix parce que les budgets rapetissent d'année en année. Je pense que notre direction n'avait d'autre choix que de faire cela. Mais je remarque beaucoup d'inquiétudes autour de moi. Mes collègues sont inquiets. Ils se demandent comment ça va se faire, est-ce que la radio va survivre, est-ce que le caractère distinct de la radio va survivre dans un contexte comme celui-là. Mm-hmm. Est-ce que les décisions que la radio prend en ce moment, est-ce que la radio pourra continuer à les prendre dans un contexte comme celui-là? Parce que Radio-Canada a quand même, puis c'est pas pour parler, prêcher pour notre paroisse, mais il y a quand même une information tout à fait particulière à la radio aussi. Mm-hmm. Surtout, il y a une forme d'information, un ton, un son. Et j'imagine quoi, vos collègues craignent... Et des sujets aussi, des sujets qui sont parfois distincts de ceux de la télévision ou du web. Ouais. Est-ce que cela pourra survivre à la fusion? Parce que c'est comme une fusion qui s'en vient. Moi, je le souhaite. Je le souhaite pour la diversité. Parce que c'est l'un des objectifs de notre direction, que Radio-Canada témoigne de la diversité. En gardant de la diversité dans les médias, je pense que ça assure aussi l'objectif de diversité qu'on recherche. Et Dieu sait que la radio a tellement évolué aussi depuis toutes les années aussi où vous y êtes, sur de façon plus générale, l'univers de la radio. Nous, bien sûr, on n'est pas en canadien, mais quand on regarde ce qui se passe au Québec, à Montréal, CKC qui a fermé son information, vous avez aussi constaté ça, vous avez assisté à cette évolution très différente du monde de la radio. Oui. Ça, je trouve ça un peu malheureux parce que dans la mesure où il y a de la concurrence, on va peut-être faire des efforts supplémentaires ou en tout cas, on va attirer l'attention sur le média. Mm-hmm. S'il y a 3 ou 4 stations qui font de l'information, qui font de la bonne information, ça va attirer l'attention sur l'ensemble des stations. Mais là, il n'y a que Radio-Canada dans ce créneau de l'information. Les autres n'en font presque plus. Mm-hmm. Vous savez, on subit les effets de la déréglementation des années 80, du début des années 80. Moi, je me souviens des années 70 où le CRTC intervenait fréquemment. Le CRTC avait des règles très, très sévères à l'égard des radiodiffuseurs. Et puis maintenant, je pense que c'est le marché qui décide. Le CRTC, de toute façon, n'a plus beaucoup de règles, effectivement. Non, c'est ça. Alors, c'est le marché. Nous sommes donc les victimes du marché. Comment vous allez vivre ces derniers bulletins jusqu'au 10 juillet? Ben, chacun des bulletins devient plus précieux parce qu'il y en a de moins en moins. Je pense qu'il me reste 18 jours en tout. Alors, ils deviennent donc rares et par le fait même précieux. Ouais. Et la retraite, j'imagine que vous n'avez pas déjà tous les plans, tout ce que vous allez faire après, plus tard. J'ai un seul plan, celui de ne rien faire pour le moment. Et de vous lever plus tard aussi. De me lever plus tard, d'apprendre à vivre autrement. Ouais. Et pour l'instant, je n'ai pas de projet, je n'ai pas d'engagement non plus. Ouais. Non, parce que c'est quand même une décision, j'imagine, difficile à prendre. Parce que le travail, comme vous l'avez vécu aussi pendant tant d'années, ce sont aussi les collègues. Qui ouais. sont souvent des amis. Il y a une vie sociale autour du travail. On passe beaucoup d'heures ici. Ouais. Et donc, de quitter ça, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que je vais me retrouver pas seul? Parce que vous avez une vie, bien sûr, à l'extérieur de Radio-Canada, mais... Ben, j'y ai pensé, oui. D'un autre côté, vous savez, l'horaire que j'ai eu au cours des 25 dernières années m'a empêché d'avoir une vie sociale. Ça, c'est vrai. Hein? Ouais. On se couche à 9 heures le soir, on n'a pas de vie sociale. Non. Puis le vendredi soir, on est crevé. Puis le dimanche soir, ben c'est le retour au bercail. Alors, non, c'est la vie va prendre une autre direction. Puis j'espère que je vais aimer ça. Là, des beaux soupers, sorties et tout ben ça. Oui. Et donc, on va peut-être vous voir plus, justement. Ben, si vous m'invitez. Moi, je vais vous inviter. Ça va nous faire grand plaisir. Merci beaucoup, Raymond Archambault. Ça me fait plaisir, bravo, Dominique. Pour toutes ces belles années. Je suis très, très content d'avoir passé cette période. Ben, moi aussi. Hein. Merci infiniment. Merci.